Bonne soirée sur les ondes de Galaxy, fréquence 95.30 ou live.galaxyfm.com. 7 pour ce soir, un mix réalisé par Kevin, un enregistrement effectué il y a très peu de temps à l'Escape. Live. Galaxy. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Ce que vous voulez? Un client vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hachiche? Opium? Suivez-moi. Galaxy. platine, pas de galaxie, puisque cet enregistrement a été effectué en live. Je vous souhaite une excellente soirée. Si à partir de 21h, comme chaque jeudi soir, vous retrouverez Ice.